très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Voici tout de suite Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Pour pouvoir s'appuyer sur le peuple, il faut professer l'orthodoxie. Et l'orthodoxie, c'est la base de l'État russe. Moscou est la ville qui revendique le titre de troisième Rome. Moscou a les clés du salut de l'humanité, que ce soit par le communisme. Cette semaine. Que ce soit par la forme de chrétienté qu'elle entend incarner. La Russie. Tant que vous n'êtes pas orthodoxe, vous n'êtes pas russe. Pèlerin. Le russe a toujours quelque chose d'un petit peu errant. Martyr. Et idéologue, on ne connaît rien de la Russie et de ce qu'ils ont vécu. La religion. Réfuter la religion orthodoxe reviendrait à se nier soi-même. Et la politique. Vladimir Vladimirovich Poutine. Il a été au fond l'homme qui recueillait tout le sentiment d'humiliation de son pays. Qui dit mythe, dit en quelque sorte falsification. On méprise complètement ce peuple russe. Tout ce qui touche à la religion, comme tout ce qui touche au tsar lui-même, ce sont des sujets absolument tabous et qui doivent être totalement contrôlés par les autorités elles-mêmes. Aujourd'hui, le récit d'un pèlerin. Je suis Bernard Marchadier, je suis de profession traducteur. J'ai beaucoup travaillé à l'ONU. Mes langues, c'est le russe et l'anglais, vers le français. Mais je m'intéresse depuis très longtemps à la Russie. Et j'ai beaucoup traduit, en dehors de l'ONU bien sûr, j'ai beaucoup traduit de penseurs russes, notamment du 19e siècle. Et en particulier Vladimir Soloviev, que peut-être certains auditeurs connaissent. Et je me suis beaucoup intéressé aussi à la spiritualité russe et à l'histoire de la Russie en général. Voilà. Et j'ai écrit quelques ouvrages sur ces questions. Mais Bernard Marchadier, la traduction c'est une chose, mais quand effectivement vous la posez dans une telle capacité d'éventail depuis la littérature, la pensée, on peut imaginer également derrière la mystique, et puis les textes qu'on devine infiniment plus technocratiques des Nations Unies, il y a quand même un éventail extrêmement large. Alors, est-ce que ça sous-entend que Bernard Marchadier aurait comme nom de code caméléon? Oh oui, peut-être, oui. Non, mais l'ONU, c'est pas du tout les mêmes textes que la mystique russe ou que les penseurs de l'histoire. Mais d'abord, ça m'a permis de vivre. Et puis ensuite, c'est toujours intéressant de traduire. Traduire, c'est vraiment lire, pour moi, à la puissance 2, parce que ça exige beaucoup d'attention. Et je veux dire, il y a dans les textes de l'ONU, bon, il y a évidemment pas mal de blablabla, mais il y a aussi quand même une façon de comprendre l'histoire et de comprendre le monde tel qu'il est. Les problèmes de droit international, les problèmes de droit de la mer, les problèmes de délimitation des frontières, tout ça, ce sont quand même des questions qui sont très intéressantes, qui sont dans le présent, mais qui ont aussi été dans l'histoire. Bernard Marchadier, vous avez participé en 2010 à un colloque qui s'est tenu donc au Musée du Louvre, sur lequel nous revenons cette semaine qui est donc consacrée à la Russie, et plus particulièrement, pour reprendre l'intitulé du colloque, à l'invention de la Sainte Russie. Pour vous, l'invention de la Sainte Russie, quand vous entendez parler de cette proposition, avez-vous différentes pistes pour l'attraper? Réfléchissez-vous de manière large pour finir par angler et faire un choix? On imagine que rien que l'intitulé offre des pistes et du possible multiple. Oui, alors, invention, ça peut avoir deux sens. Invention, ça peut avoir son sens étymologique, qui veut dire tout simplement la découverte. Mais évidemment, au sens courant, ça veut dire invention d'un mythe. Hein. Moi, je n'ai pas voulu l'aborder uniquement sous cet angle, parce que qui dit mythe dit en quelque sorte falsification. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais inventer, c'est également créer quelque chose qui n'existait pas avant qu'on l'invente. Oui. Oui, donc, mais si on dit invention de la Sainte Russie, on peut comprendre création d'un mythe qui est celui de la Sainte Russie. Alors, là aussi, mythe, ça a plusieurs sens. Un mythe peut être faux, peut être simplement un mensonge, en quelque sorte, une histoire qu'on raconte, mais qui n'a aucun rapport avec la réalité. Mais ça peut être aussi, disons, une forme intérieure qui formate une pensée qui serait la pensée russe. Ben, je vais vous pousser pour vous dire à quel point je reste encore perplexe. Non pas à votre proposition, mais j'imagine que face à cette proposition, il est tout à fait possible d'en formuler d'autres qui soient peut-être exactement leur contraire. Pourrait-on admettre que inventer suppose que l'on finit par mettre à jour quelque chose qui préexistait, mais qui n'avait pas encore été véritablement nommé? Oui, oui, oui, on peut le comprendre aussi comme ça. Je pense qu'il existe une Sainte Russie. Mais je veux dire que c'est aussi un mythe historico-politique qui a été utilisé à différentes fins, pas forcément d'ailleurs des fins troubles, mais qui ont été des fins, disons, historiques ou politiques. Une forme de récit? Voilà, oui, oui, un récit, un narratif, comme on dit maintenant en textologie. Il y a une façon de représenter la Russie qui justifie son histoire. Pour dire les choses peut-être de façon un peu grandiloquente, je crois que la Russie a un complexe, soit de supériorité, soit d'infériorité, que je qualifierais de sotériologique. C'est-à-dire que la Russie prétend ou croit avoir certaines clés du salut du monde. Ça se voit dans la littérature russe du XIXe siècle, qui pose les maudites questions, essaie d'en esquisser des réponses, mais ça se voit aussi dans le domaine religieux et aussi dans le domaine politique, où la Russie se veut troisième Rome. C'est-à-dire que la première Rome étant tombée sous le coup des barbares, ou alors, selon une autre version, la première Rome étant devenue hérétique, puisqu'elle est latine et catholique, la deuxième Rome, Byzance, ayant été conquise par les musulmans, les turcs, il reste une seule Rome, licite, et c'est Moscou. Et ça, c'est une sorte de théorie politique, un narratif politique qui voit le jour après la chute de Constantinople. Et c'est profondément ancré dans la pensée russe. Nicolas Berdiaïev, un philosophe qui est bien connu, enfin, il a été beaucoup traduit en France, il est même mort à Paris en 1948, c'était un émigré. Nicolas Berdiaïev a dit qu'il y avait un rapport très étroit entre la Troisième Internationale et la Troisième Rome, c'est-à-dire que Moscou a les clés du salut de l'humanité, que ce soit par le communisme ou que ce soit par la forme de chrétienté qu'elle entend incarner. Bernard Marchadier, je pense ne pas avoir eu votre réponse. C'est vrai que nous avons eu l'occasion de monter et descendre quelques escaliers dans cette première partie d'entretien. Mais je vous demandais il y a peu si vous aviez, à cette proposition de l'invention de la Sainte Russie, réfléchi à plusieurs pistes avant de choisir celle dont nous finirons par parler. Je dois dire que ça fait 45 ans que je m'intéresse à ces questions, donc j'ai beaucoup varié. j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup promené, et j'ai rencontré beaucoup de gens, et puis voilà, donc je me suis fait une opinion, oui. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question, mais il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est au XIXe siècle, il y a une sorte d'invention du Saint-Mougique, c'est-à-dire que le peuple russe, chez les auteurs que l'on a appelés ensuite slavophiles, le peuple russe, dans sa grande pureté, dans sa grande simplicité, incarné par le Moujik, a en quelque sorte les clés du salut. Dépositaire de la vraie piété. Voilà, il est le dépositaire de la vraie piété et dépositaire de la vraie foi. Et très souvent, ces auteurs du 19e siècle se sont tournés vers les vieux croyants. Les vieux croyants, c'est pas une secte, c'est une multitude de sectes qui se sont séparées de la Russie officielle au 17e siècle au motif que ces réformes venaient d'une Ukraine latinisée et douteuse, de Grecs soumis aux Turcs, et donc qui ont refusé les réformes du patriarche Nikon, qui en fait étaient des réformes, on peut penser, en gros, justifiées. Et c'était des réformes qui portaient sur des détails, hein, comme le signe de croix qu'on devait faire à trois doigts et non plus à deux doigts comme autrefois, sur l'orthographe du nom de Jésus, sur le sens des processions à l'intérieur de l'Église. Et ces réformes essentiellement liturgiques ont suscité des révoltes et on peut même dire des massacres. Mais peut-on parler, quand il s'agit de si infimes détails que deux doigts plutôt que trois doigts plutôt que deux doigts, plutôt là de prétextes que de véritables causes? On peut lire ça évidemment de façon, par exemple, marxiste, en disant derrière tout ça, il y a la lutte des classes, ou il y a l'adaptation au monde moderne, etc. Et bon, évidemment, mais il y a un monde d'ignorance quand même extrêmement profonde en Russie à cette époque-là. Et l'idée, c'était que, étant donné que les saints des siècles ou des décennies précédentes avaient fait leur salut en se signant avec deux doigts et en écrivant « Issus » avec un seul « i », pourquoi changeait-on, puisque ces pratiques avaient été sanctifiées? Vous voyez ? Grâce de Dieu, je suis homme et chrétien, par action, grand pécheur, par état, pèlerin sans abri, de la plus basse condition, toujours errant de lieu en lieu. Pour avoir, j'ai sur le dos un sac avec du pain sec, dans ma blouse, la Sainte Bible, et c'est tout. Le 24e dimanche après la Trinité, j'entrais à l'église pour y prier pendant l'office. On lisait l'épître de l'apôtre aux Thessaloniciens, au passage dans lequel il est dit « Priez sans cesse ». Cette parole pénétra profondément dans mon esprit, et je me demandais comment il est possible de prier sans cesse alors que chacun doit s'occuper à de nombreux travaux pour subvenir à sa propre vie. Je cherchais dans la Bible, et j'y lus de mes yeux exactement ce que j'avais entendu. Il faut prier sans cesse. Prier par l'Esprit en toute occasion, élever en tout lieu des mains suppliantes. J'avais beau réfléchir, je ne savais que décider. Que faire, pensais-je? Où trouver quelqu'un qui puisse m'expliquer ces paroles? J'irai par les églises où prêchent des hommes en renom, et là, peut-être, je trouverai ce que je cherche. Et je me mis en route. J'ai entendu beaucoup d'excellents sermons sur la prière, mais ils étaient tous des instructions sur la prière en général. Ce qu'est la prière, pourquoi il est nécessaire de prier, quels sont les fruits de la prière. Mais comment arriver à prier véritablement? Là-dessus, on ne disait rien. J'entendis un sermon sur la prière en esprit et sur la prière perpétuelle, mais on n'indiquait pas comment parvenir à cette prière. Ainsi, la fréquentation des sermons ne m'avait pas donné ce que je désirais. Je cessai donc d'aller au prêche et je décidai de chercher, avec l'aide de Dieu, un homme savant et expérimenté qui m'expliquerait ce mystère, puisque c'était là que mon esprit était invinciblement attiré. Alors j'ai choisi, lors de ce colloque, de parler de ce livre, parce que c'est un livre très connu en France, et j'ai voulu en proposer un éclairage. Donc il s'agit des récits d'un pèlerin russe, et ces récits d'un pèlerin sont une œuvre du deuxième moitié du 19e, effectivement écrite par un moine, le père Kozlov, qui imagine ce qu'un pèlerin russe, un moujik, un homme très simple, raconte à son directeur spirituel sur ses efforts pour se rapprocher de Dieu. Et ça passe par l'errance. Ça aussi, c'est un phénomène répandu dans la Russie du 19e siècle. Il y avait des millions de gens qui erraient et qui, de monastère en monastère, c'est très impressionnant quand on lit les récits de l'époque. Mais une errance qui, d'ailleurs, n'est pas rare en Russie. Tolstoï meurt en vagabond dans une gare. Vladimir Soloviev, le philosophe que j'ai beaucoup traduit, n'avait pas de logis. Le russe a toujours quelque chose d'un petit peu errant. Les Russes ne couchent pas dans le même lit, vous savez. Enfin bon, maintenant, les appartements sont très petits, mais dans les grandes demeures, les gens couchaient une nuit là, une autre nuit là. C'est assez curieux. Et Bonald, c'est le philosophe, disons, réactionnaire du 19e siècle, je crois qu'il était français, Bonald disait que les isbas sont des roulottes auxquelles on a enlevé les roues. Et c'est vrai, il y a dans la Russie un côté errant, pas fixe. C'est un pays immense, plat, avec toutes sortes de mouvements de population. Et donc ces errants mystiques faisaient partie de ce grand mouvement brownien, si vous voulez. Pour en venir au père Kozlov, c'est à l'origine un vieux croyant. Il est convaincu qu'il faut revenir à l'église officielle par le père Konstantinovski, qui était le confesseur de Gogol. Voilà. Et ce père Kozlov a tout un itinéraire mystique avant de devenir lui-même un missionnaire auprès des vieux croyants. Et notamment, il va à Latos et là, il s'initie à ce qu'on a appelé la prière du cœur, l'hésychasme. Alors là, je crois qu'il faut vraiment qu'on en parle. Parce que c'est la grande particularité, disons, de l'Église orthodoxe par rapport à l'Église latine, ou protestante aussi, bien sûr, la chrétienté occidentale. Si vous voulez, je peux vous parler un petit peu de l'hésychasme. Hésychi, en grec, je ne suis pas spécialiste de grec, mais ça veut dire le silence. C'est l'idée que Dieu se rencontre dans le silence et dans la concentration du cœur. Alors, les gens n'ont pas forcément le mot en tête tel qu'il est écrit, je le précise simplement, H-E accent aigu, S-Y, C-H-A-S-M-E, hésychasme. L'hésychasme remonte au premier siècle chrétien. Il prend son origine au mont Sinaï et au désert d'Égypte. Dans l'Église orientale, il apparaît comme le courant mystique par opposition à la tradition purement ascétique. Inspiré d'Origène et de Grégoire de Nice, la mystique orientale donne pour fin à l'âme humaine la déification. La nature humaine est bonne, mais déformée par le péché. La rendre à sa vertu première, rétablir dans l'homme, qui est à l'image de Dieu, la ressemblance divine, œuvre de la grâce, c'est la voie du salut. Sous l'action de la grâce, l'esprit, libéré des passions par l'ascèse, s'élève à contempler les raisons des choses créées et parvient parfois jusqu'à la nuée lumineuse, la contemplation obscure de la Trinité Sainte. Tel est le but auquel se consacrent les solitaires et les grands mystiques des 10 premiers siècles chrétiens, fixer leur esprit sur les réalités invisibles. Voilà, c'est une doctrine mystique qui a triomphé, si on peut dire, à Byzance au XIVe siècle, sous l'influence de l'évêque Grégoire Palamas, qui est devenu un saint des églises orthodoxes. Alors l'idée fondamentale, à nous en Occident, est difficile à vraiment saisir, c'est que Dieu peut se manifester à nous dans ses énergies. Ces énergies sont divines. C'est là le problème. En tout cas pour l'Église catholique, ce n'est pas Dieu qui se manifeste. Il y a une sorte d'accès à Dieu à travers ses énergies. Mais il faut peut-être, pour avancer sur ce plan-là, parler des pratiques. Au fond, certaines pratiques permettent justement d'aller vers cette forme de silence qui n'en est pas, hein, d'ailleurs, véritablement tout à fait. C'est une sorte d'habitation. On essaie d'être habité par Dieu. Et la voie la plus répandue, c'est de réciter une formule « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi pécheur ». 3 000, 6 000, 9 000, 10 000 fois par jour. Voilà. Jusqu'à ce que, c'est très beau d'ailleurs dans ce livre du pèlerin, jusqu'à ce qu'un matin il se réveille et c'est la formule qui l'habite. Voilà. La formule fait réveil. Voilà, cette recherche mystique. Alors, c'est très fort, c'est très intéressant. Le problème, c'est que la théologie orthodoxe orientale, russe et grecque en particulier, du coup, est une théologie mystique, une théologie du mysticisme. Une des grandes difficultés dans les rapports avec nous, nous occidentaux, c'est qu'ils ont du mal à comprendre ou à saisir une théologie, disons, positive ou une théologie scolastique, c'est-à-dire basée sur des critères logiques. Les ICASMes, pour peut-être conclure passagèrement sur cette question-là, pourraient-elles se rapprocher de ce que l'on nomme plus communément la transe ? Ah non, ça je pense pas. Enfin bon, il peut y avoir eu des cas, bien sûr. Mais non, non, parce qu'il y a une garde du cœur et une grande méfiance de tout ce qui est émotion. Si ça peut se rapprocher de quelque chose, c'est peut-être il y a un côté fakir ou un côté quiétiste. Revenons à notre pèlerin. J'ai noté un nom, Stranik. Est-ce que ça serait la traduction de pèlerin ? Il semble que oui et non. Ben non, parce qu'il y a en russe plusieurs mots pour désigner le pèlerin. Pour nous, le pèlerin, c'est celui qui va vers un lieu, vers un sanctuaire. Et le mot existe en russe, palomnik. Tandis que là, c'est Stranik, c'est-à-dire c'est la personne dont la vie est consacrée à l'errance mystique. Donc, l'errant. Oui. C'est un errant, mais pas au sens de vagabond. Alors, revenons à ce récit d'un pèlerin russe. C'est également un ouvrage littéraire de forme picaresque, on peut dire, oui, Bernard Marchadier. Un des intérêts de ce grand livre, et d'ailleurs, si ça n'avait pas été un grand livre, il n'aurait pas eu le succès qu'il a eu dans toutes sortes de milieux, parce que ça se lit, en effet, comme un roman. On voit ce paysan russe, ce pèlerin, rencontrer toutes sortes de personnages, l'ivrogne, le vieux croyant, le bandit, la femme pieuse, le polonais, etc. Et le loup également. Le loup. Et donc, il y a un côté voyage initiatique. Alors, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est que c'est un voyage initiatique et en même temps, c'est un voyage ascétique, en ce sens que la Russie ne nous est pas présentée sous une forme colorée. On est dans la plaine, on est dans la forêt, on est dans la taïga, il va partout. Il ne s'appesantit jamais sur un paysage que l'on sent uniforme et dur, hein, et dur à l'homme, parce que la Russie est sainte pour le pèlerin, hein, évidemment. C'est le pays que le Christ a foulé et c'est un pays dépouillé. Doit-on comprendre, pour être attentif à ce texte, que quand bien même l'errant est déjà un croyant absolu, son errance, son pèlerinage, qui n'a pas forcément une destination particulière, cette traversée, ne fait qu'accroître en lui sa croyance? Ah oui, c'est une ascèse, une façon de se rapprocher de Dieu. Qui veut voyager loin ménage sa monture, en l'occurrence ses pieds. Pour ce pèlerin, il est peu chargé, il a un petit peu de pain sec, mais il a, dans sa besace, un imprimé et un seul. Là aussi, il va falloir que vous nous éclairiez, Bernard Marchadier, la philokalie, P-H-I-L-O-C-A-L-I-E, philokalie. La philokalie, c'est un recueil de pensées, d'apophthegmes, de petits courts textes de pères ascétiques orientaux, qui a été... constitué au XVIIIe siècle, et puis traduit à la fin du XVIIIe siècle, traduit en slavon. Alors c'est devenu un recueil de textes tout à fait fondamental dans la mystique russe du XIXe siècle. Hein, mais c'est assez tardif. Enfin, c'est un recueil de textes anciens, mais son apparition est assez tardive. Ça veut dire amour du beau et amour du bien. Il y a un côté platonique. Mais c'est un livre carburant, en l'occurrence, que l'errant ouvre comme lecteur pour se redonner énergie et courage. Oui. Et puis, bon, évidemment, il a la Bible. Il a la Bible et la philokalie, et ça lui suffit et ça le nourrit dans ses efforts de méditation. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Bernard Marchadier, on va conclure notre rencontre là-dessus, c'est que l'originalité de ce récit d'un pèlerin russe, c'est que c'est un ouvrage qui échappe à toute forme d'idéologisation, d'instrumentalisation. Précisez-nous ça. Ah oui, ça, c'est très important, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'en ai parlé avec enthousiasme lors de ce colloque, c'est que on est libre du mythe du saint Moujik. C'est écrit dans un style naturel, alors qu'il y a de très nombreux ouvrages, d'ailleurs certains très connus, au début du XXe ou à la fin du XIXe, de piété un peu macaronique et pénible, vous voyez. Et là, tout est absolument naturel. Et puis, il y a des choses étonnamment libres, même vis-à-vis de la doctrine qu'il est censé incarner. Par exemple, il utilise le mot « imagination ». Utiliser son imagination pour se rapprocher de Dieu. Or ça, c'est quelque chose qui est en général totalement exclu et banni des ouvrages spirituels, surtout des ouvrages spirituels de cette époque. On sent une orthodoxie encore nourrie de choses qui vont disparaître au XXe siècle quand tout ça va se raidir. C'est-à-dire, on sent presque du Ignace de Loyola, vous voyez. Et d'ailleurs, les textes d'Ignace de Loyola étaient traduits au moins à Tos. Maintenant, je suppose qu'on regarde ça avec horreur. Mais tout ça existait en grec. Et on sent encore une orthodoxie, disons, ouverte. Plus ouverte, en tout cas, que souvent elle n'est maintenant, où des intellectuels ont quand même boulonné un peu tout ça. Bernard Marchadier, merci infiniment d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Vous pourriez peut-être conclure en renvoyant ceux qui nous écoutent à une lecture ou des lectures, peut-être pour se nourrir encore un peu plus quant à ces passionnants sujets. Bah écoutez, moi je pense qu'il faut lire ce livre, Les récits d'un pèlerin, qui est partout, qui existe en poche. Je me suis même aperçu qu'il existait en bande dessinée. Michael Lonsdal en a donné une lecture publique il y a quelques années. Donc, s'il faut lire quelque chose, il faut lire ça en toute simplicité. Il faut entrer là et se laisser porter. C'est un très beau voyage qu'on fait avec ce pèlerin. Merci infiniment d'être venu au micro d'Histoire Vivante. C'est moi qui vous remercie. Notre épisode était intitulé « Le récit d'un pèlerin ». Avec aujourd'hui Bernard Marchadier, traducteur. Demain la suite avec un nouvel invité, Vladimir Berelovitch, organisateur du colloque intitulé « L'invention de la Sainte Russie ».